Ça fait longtemps que je voulais vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là avec Tara. Tout avait pourtant si bien commencé. Elle m'avait dit, veux-tu bien m'embrasser? Oui, mais voilà, à cet âge-là, je ne savais pas embrasser une fille comme ça, maman, papa. Vous auriez bien mieux fait de m'apprendre des choses comme ça, je serais moins con ce soir devant Tara. Les hommes aiment bien Tara. Faut dire que quand elle se pomponne, on a plus yeux que pour Tara. Faut dire qu'elle était vraiment conne. Mais moi je lui mettrais bien une fois. Allez maintenant, je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait quand elle a voulu m'embrasser. Au moment opportun où nos langues se sont croisées, quel bonheur de se faire embrasser. Oui, mais voilà, Tara embrassée, elle, ça lui suffit pas. Je sens ses mains qui se promènent partout sur moi. Maman, papa, vous auriez mieux fait de m'apprendre ça, je serais moins con ce soir devant Tara. Je lui mettrai bien une fois. Et quand ses mains ont fini d'avoir raison de moi, je me suis mis à me demander pourquoi. Autour de moi, tout n'était qu'illusion. C'est la tare a compris ma chanson. C'est pas soir que je me la frappe. T'aimes les hommes, les hommes aiment bien Tara. Faut dire que quand elle se pomponne, on a tous dit que pour Tara. Faut dire qu'elle était super bonne. Mais c'est pas soir que je me la frappe.